Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Ben, on va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant que c'était la région de Saint-Lac-Saint-Jean a remporté ses deux premières médailles aux Jeux du Québec qui se déroulent actuellement dans la vieille capitale. À noter que Mathis Fortin et Miro Fleury ont en effet remporté les médailles d'argent et une médaille de bronze. C'est la première fois que le regroupement sport et loisirs nous apprenait qu'ils ont remporté des médailles depuis 2011. En demi-finale, ça va très très bien pour l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils se retrouvent actuellement en demi-finale. Hier, ils ont défait la formation de Laval par le pointage de 4 à 1. Et un filet en tir de barrage de Félix Gagnon a permis au Saguenay-Saint-Jean de vaincre la formation de Rive-Sud 4 à 3. À noter qu'ils vont jouer en fin d'après-midi contre la formation des Laurentides à l'aréna Marcel Bédard. En biathlon, plusieurs athlètes étaient en action. À noter la 6e position de Laurie Legault. Également, Marie-Ève Mousseau a pris le 8e rang. Du côté des garçons, Patrick David a terminé au 6e rang, Julien Côté 23e et Félix Huard au 28e rang. En taekwondo, Thomas Boudreau a terminé en 5e position sur 14 athlètes. Et également en nage synchronisée, notons que le duo de Juliane Kirlin et Juliette Teberge a terminé en 4e position. Ça se poursuit aujourd'hui. Les Jeux du Québec dans la vieille capitale. On va avoir quelques reportages de la part d'Alexandre Larouche qui est la chef de mission là-bas. Évidemment, on va parler de hockey. On est actuellement en plein dans les séries éliminatoires dans les différentes ligues. Dans la Ligue du Lac-au-Fleuve en fin de semaine, le multiconcessionnaire de Boom-Sissigny a remporté deux victoires contre Charlevoix. D'abord, ils ont remporté une victoire très convaincante de 10 à 4. À noter que Michael Drolet dirige l'attaque du multiconcessionnaire avec 3 buts, une passe. Jonathan Fleuret dirige également l'attaque avec 2 buts, 3 passes. Mathieu Michaud, 2 buts, une passe. Et à noter 5 passes pour Simon Tremblay et 3 passes de Stephen Girard. Et samedi, le multiconcessionnaire a remporté une autre victoire de 10 à 6 contre la formation des Éclairs de Charlevoix. À noter que dans le match, que Mathieu Michaud a réussi 2 buts, de même que Simon Tremblay et Billy Menard. Nicolas Pronovost a marqué 1 but et a ajouté une passe. Et 2 passes pour Guillaume Lagarde et également Jean-François Fortin. Le multiconcessionnaire pourrait éliminer en fin de semaine la formation de Charlevoix. Les Castors de Dolbeau et également les Ambassadeurs de Chicoutimi étaient en jouaient 4 matchs en fin de semaine et la série est maintenant égale 2 à 2. Hier, dans le cadre du programme double qui s'est déroulé à Chicoutimi, gain des Ambassadeurs par la formation hier par la formation 4 à 2. Les buts ont été marqués par Henri Pronovost et Xavier Lanassette. 2 filets pour Jacob Berubé et 1 but de passe pour Nicolas Trépeur. Et dans l'autre match, les Castors ont perdu 5 à 0 contre les Ambassadeurs. 3 buts, une passe pour Michael Austin Secapio et 1 but, 3 passes pour Nico Trappleur. Vendredi et samedi, les Castors avaient pris le devant dans la série contre les Ambassadeurs. Ils avaient remporté une victoire de 6 à 5. Jacob Boulian, dans le match de samedi, avait dirigé l'attaque avec une production de 2 buts, 1 passe. Lance Ouellet avec 1 but, 2 passes. Xavier Lanassette a aussi compté 1 but, 1 passe. De même que Donovan Dion et Zachary Fortin. Et samedi, gain facile des Castors, 8 à 1. Jacob Boulian, 4 buts et 1 passe. Et également Zachary Fortin, 2 buts, 3 passes. Thomas Mailloux et Donovan Dion ont complété le pointage. Maintenant, le Marcos Pop de Saint-Félicien et les Saguenay de Chicoutimi, la série est menée 2 à 1 par le Marcos Pop. Hier, gain du Marcos Pop, 4 à 3 contre les Saguenay. Malcolm Côté avec 1 but et 2 passes pour les vainqueurs. Et samedi, défaite des Marcos Pop, 4 à 3. Vincent Gagnon a marqué 1 but, 1 passe pour les perdants. Et vendredi, gain du Marcos Pop 6 à 5, toujours contre Simon Saguenay. Simon Dumas et Joannick Chakaï ont marqué chacun 1 but et amassé 1 passe. Ligue junior régionale, maintenant, les Sabres de Robertval ont défait les Aiglons d'Allemagne vendredi soir par le compte de 3 à 2. 2 filets pour Nicolas Clément. Et samedi, autre gain des Sabres, cette fois 6 à 3 contre les Aiglons. Une paire de buts pour Mathieu Debois et 1 but, 1 passe pour Alexandre David Gay. Et Ligue Bantam Régionale, ben les Patriotes de Saint-Bruno ont pris d'avance 2 à 0 contre la formation des Ambassadeurs de Chibougamau. À noter que les Patriotes ont gagné 2 à 0 et 5 à 2 au cours de la fin de semaine. Le sport local et régional, à danadiosport.com. On s'en occupe.